Chapitre 2e, la montée du Golgotha. 20 ou 30 minutes s'écoulèrent. Véronique demeurait seule. Les cordes entraient dans sa chair et les barreaux du balcon meurtrissaient son front. Le bâillon l'étouffait. Ses genoux, pliés en deux et ramenés sous elle, portaient tout le poids de son corps. Position intolérable, martyre ininterrompu. Pourtant, si elle souffrait, elle n'en avait pas l'impression très nette. Sa souffrance physique restait en dehors de sa conscience, et elle avait éprouvé déjà de telles souffrances morales que cette épreuve suprême n'éveillait pas sa sensibilité assoupie. Elle ne pensait guère. Parfois elle disait « Je vais mourir », et elle goûtait déjà le repos du néant, comme on goûte par avance, au cours d'une tempête, le grand calme du port. De l'instant présent jusqu'au dénouement qui la libérerait, il se passerait certainement des choses atroces, mais son cerveau refusait de s'y arrêter, et le sort de son fils en particulier ne lui arrachait que des idées brèves qui se dissipaient aussitôt. Au fond, et sans que rien pût l'éclairer sur son état d'esprit, elle espérait un miracle. Ce miracle se produirait-il chez Vorsky? Incapable de générosité, le monstre n'hésiterait-il pas, tout de même, devant le plus inutile des forfaits? Un père ne tue pas son fils, ou du moins faut-il qu'un tel acte soit amené par des raisons impérieuses, et des raisons pour ce qui n'en avait aucune contre un enfant qu'il ne connaissait point et qu'il ne pouvait haïr que d'une haine factice. Cet espoir du miracle berçait sa torpeur. Tous les bruits dont la maison résonnait, bruits de discussion, bruits de pas précipités, lui semblaient indiquer, plutôt que les préparatifs des événements annoncés, le signal d'intervention qui arruinerait tous les plans de Vorsky. Son bien-aimé François n'avait-il pas dit que rien ne pourrait plus les séparer l'un de l'autre, et qu'à l'instant où tout leur paraîtrait perdu, ils devraient garder toute leur foi? « Mon François, répétait-elle, mon François, tu ne mourras pas. Nous nous reverrons, tu me l'as promis. » Dehors, un ciel bleu, tacheté de quelques nuées menaçantes, s'étendait au-dessus des grands chênes. Devant elle, par-delà cette même fenêtre où son père lui était apparu, au milieu de la pelouse qu'elle avait traversée avec Honorine le jour de son arrivée, un emplacement avait été récemment défriché et couvert de sable, comme une arène. Était-ce donc là que son fils se battrait? Elle en eut l'intuition brusque, et son cœur se serra. « Oh, pardon, mon François, » dit-elle, « pardon. Tout cela, c'est le châtiment des fautes que j'ai commises, autrefois. C'est l'expiation. Le fils expie pour la mère. » « Pardon, pardon !» À ce moment, une porte s'ouvrit au rez-de-chaussée et des voix montèrent du perron. Parmi ces voix, elle reconnut celle de Vorsky. « Alors, disait-il, c'est convenu. Nous allons chacun de notre côté, vous deux à gauche, moi à droite. Vous prenez ce gosse avec vous, moi je prends l'autre. Et on se rencontre au lieu du tournoi. Vous êtes, comme qui dirait, les témoins du premier, moi du second, de sorte que toutes les règles seront respectées. » Véronique ferma les yeux, car elle ne voulait pas voir son fils, maltraité sans doute, mené au combat comme un esclave. Elle perçut le double craquement des pas qui suivait les deux avenues circulaires. L'immonde Vorsky riait et pérorait. Les groupes tournèrent et s'avancèrent en sens opposé. « N'approchez pas davantage, » ordonna Vorsky. « Que les deux adversaires prennent leur place. »« Halte là, tous les deux. »« Bien. Et pas un mot, n'est-ce pas ?» Celui qui parlerait serait abattu sans pitié par moi. Vous êtes prêts? Marchez. » Ainsi donc, la chose affreuse commençait. Selon la volonté de Vorsky, le duel allait se dérouler devant la mère, et devant elle, le fils allait combattre. Comment aurait-elle pu ne pas regarder? Elle ouvrit les yeux. Aussitôt, elle les vit tous les deux s'empoignant et se repoussant. Mais ce qu'elle vit, elle ne le comprit pas tout de suite, ou du moins, elle n'en comprit pas la signification exacte. Elle apercevait bien les deux enfants, mais lequel était François et lequel était Reynold? « Ah » balbutia-t-elle, « c'est atroce. Non, cependant, je me trompe, il n'est pas possible. » Elle ne se trompait pas. Les deux enfants portaient les mêmes costumes, même culotte courte de velours, même chemise de flanelle blanche, même ceinture de cuir. Mais ils avaient tous les deux la tête enveloppée dans une écharpe de soie rouge, crevée de deux trous comme des cagoules à l'endroit des yeux. Lequel était François? Lequel était Reynold? Alors elle se souvint de la menace inexplicable de Vorsky. C'est cela qu'il avait appelé l'exécution intégrale du programme élaboré par lui, et c'est à cela qu'il faisait allusion en parlant d'un divertissement de sa composition. Non seulement le fils se battait sous les yeux de la mère, mais elle ignorait lequel était son fils. Raffinement infernal. Pour ce qu'il avait dit lui-même, aucune douleur ne pouvait ajouter davantage à la douleur de Véronique. Au fond, le miracle qu'elle avait espéré, il était en elle et dans l'amour qu'elle portait à son fils. Son fils se battant en face d'elle, elle était sûre que son fils ne pourrait pas mourir. Elle le protégerait contre les coups et contre les ruses de l'ennemi. Elle ferait dévier le poignard et détournerait la mort de la tête adorée. Elle lui insufflerait l'énergie indomptable, la volonté d'agression, la force qui ne se fatigue point, l'esprit qui prévoit et qui saisit la minute favorable. Mais maintenant que l'un et l'autre étaient voilés, sur lequel exercer la bonne influence, pour qui prier, contre qui s'insurger? Elle ne savait rien. Aucun indice ne pouvait la renseigner. L'un d'eux était plus grand, plus mince et d'allure plus souple. Était-ce François? L'autre était plus trapu, plus robuste et plus lourd d'aspect. Était-ce Reynold? Elle n'aurait pu le dire. Seul un coin de figure, une expression même fugitive, lui eût révélé la vérité. Mais comment pénétrer à travers l'impénétrable masque? Et la lutte se continua, plus effrayante pour elle que s'il avait vu son fils à visage découvert. « Bravo !» cria Borski, applaudissant une attaque. Il semblait suivre le duel en amateur, avec l'affectation d'impartialité d'un dilettante qui juge des coups et qui souhaite avant tout que le meilleur l'emporte. Cependant, c'était l'un de ses fils qui l'avait condamné à mort. En face se tenaient les deux complices, figure de brute, à crâne également pointu, à gros nez chevauché de lunettes, l'un d'une maigreur extrême, l'autre aussi maigre, mais gonflé d'un ventre en forme d'outre pleine. Ils n'applaudissaient pas, eux, et demeuraient indifférents, peut-être même hostiles, au spectacle qu'on leur imposait. « Parfait, approuva Borski. Bonne riposte. Ah, vous êtes de rude gaillard, et je me demande à qui décerner la palme. » Il se démenait autour des adversaires et les excitait d'une voix rauque, où Véronique, se souvenant de certaines scènes du passé, crut reconnaître l'effet de l'alcool. Pourtant elle s'efforçait, la malheureuse, de tendre vers lui ses mains attachées et elle gémissait sous son bâillon. « Grâce, grâce, je ne peux plus, ayez pitié !» Il était impossible que le supplice durât davantage. Son cœur battait avec une telle violence qu'elle en était toute secouée. Et allait défaillir lorsque se produisit un incident qui la ranima. L'un des deux enfants, après un corps à corps assez rude, avait fait un saut en arrière et rapidement bandait son poignet droit d'où coulaient quelques gouttes de sang. Il parut à Véronique qu'elle avait vu entre les mains de celui-là le petit mouchoir rayé de bleu dont son fils se servait. Sa conviction fut immédiate et irrésistible. L'enfant, c'était le plus mince et le plus souple, avait plus d'élégance que l'autre, plus de distinction, des attitudes plus harmonieuses. « C'est François, » murmura-t-elle. « Oui, oui, c'est lui. C'est toi, n'est-ce pas, mon chéri? Je te reconnais. L'autre est vulgaire et lourd. C'est toi, mon chéri. Ah, mon François adoré. » De fait, si tous deux se battaient avec un acharnement égal, celui-là mettait dans son effort moins de fougue sauvage et d'emportement aveugle. On eût dit qu'il cherchait moins à tuer qu'à blesser, et que ses attaques visaient plutôt à le préserver lui-même contre la mort qui le guettait. Véronique s'en alarma, et elle balbutia, comme s'il eût pu l'entendre. « Ne le ménage pas, mon chéri, c'est un monstre, lui aussi. Ah, mon Dieu, si tu es généreux, tu es perdu, François. François, attention !» L'éclair du poignard avait brillé sur la tête de celui qu'elle appelait son fils, et sous son bâillon, elle avait crié pour l'avertir. François ayant évité le coup, elle fut persuadée que son cri était parvenu jusqu'à lui, et il continua instinctivement à le mettre en garde et à le conseiller. « Repose-toi, reprends haleine. Surtout ne le perds pas de vue. Il prépare quelque chose. Il va s'élancer. Il s'élance! Ah, mon chéri! Un peu plus s'il te blessait au cou. Méfie-toi, mon chéri. C'est un traître. Toutes les ruses lui sont bonnes. » Mais elle sentait bien, la malheureuse mère, quoiqu'elle ne voulût pas encore se l'avouer, que celui-là qu'elle nommait son fils commençait à faiblir. Certains symptômes annonçaient moins de résistance, tandis que l'autre, au contraire, gagnait en ardeur et en puissance. François reculait. Il atteignit les limites de la reine. Et là, le gosse, ricana Vorsky, tu ne vas pas prendre la poudre d'escampette, du nerf, que diable, du jarret. Rappelle-toi les conditions fixées. L'enfant s'élança avec une vigueur nouvelle, et ce fut à l'autre de reculer. Vorsky battit des mains, tandis que Véronique murmurait « C'est pour moi qu'il risque sa vie. » Le monstre lui aura dit « Le sort de ta mère dépend de toi. Si tu es vainqueur, elle est sauvée. » Et il a juré de vaincre. Il sait que je le regarde. Il devine ma présence. Il m'entend. Mon bien-aimé, sois béni. » C'était la dernière phase du duel. Véronique tremblait, épuisée par l'émotion et par des alternatives trop fortes d'espoir et d'angoisse. Une fois encore, il bondit en avant, mais dans l'étreinte suprême qui s'ensuivit, il perdit l'équilibre et tomba à la renverse, de telle façon que son bras droit resta engagé sous lui. L'ennemi aussitôt s'abattit, lui écrasa la poitrine de son genou et leva le bras. Le poignard étincela. « Au secours! Au secours !» articula Véronique que son bâillon étranglait. Elle se raidissait contre le mur sans souci des cordes qui la torturaient. Son front saignait, coupé par l'angle des barreaux. Elle sentait qu'elle allait mourir de la mort de son fils. Vorsky s'était approché et ne bougeait plus, la figure implacable. 20 secondes, 30 secondes. De sa main gauche tendue, François arrêtait l'effort de l'ennemi. Mais le bras vainqueur pesait de plus en plus, la lame descendait, la pointe n'était plus qu'à quelques centimètres du cou. Vorsky se baissa. À ce moment, il se trouvait derrière Reynald, de sorte qu'il ne pouvait être vu ni de celui-ci, ni de François. Et il regardait avec une attention extrême, comme s'il eût eu le projet d'intervenir à tel instant précis. Mais intervenir en faveur de qui? Son idée était-elle de sauver François? Véronique ne respirait plus, les yeux agrandis démesurément, suspendus entre la vie et la mort. La pointe du poignard toucha le cou et dut piquer la chair, mais à peine, toujours retenue par l'effort contraire de François. Vorsky se courba davantage. Il dominait le corps à corps et ne quittait pas des yeux la pointe meurtrière. Soudain, il tira de sa poche un canif qu'il ouvrit et il attendit. Quelques secondes encore s'écoulèrent, le poignard continuait à descendre. Alors, brusquement, il tailla l'épaule de Reynold avec la lame du canif. L'enfant poussa un cri de douleur. Tout de suite, son étreinte se desserra et en même temps, François libéré, son bras droit dégagé se dressant à demi, reprenait l'offensive et, sans apercevoir Vorsky, sans comprendre ce qui s'était passé, dans un élan instinctif de tout son être échappé à la mort et révolté contre l'agresseur, il frappa en plein visage. Reynold, à son tour, tomba comme une masse. Tout cela n'avait certes pas duré plus de 10 secondes, mais le coup de théâtre fut si imprévu et bouleversa Véronique à un tel point que la malheureuse, ne comprenant plus, ne sachant pas si elle devait se réjouir, croyant plutôt qu'elle s'était trompée et que le véritable François venait de mourir, assassiné par Vorsky, s'affaissa sur elle-même et perdit connaissance. Du temps et du temps passa. Peu à peu, quelques sensations s'imposaient à Véronique. Elle entendit la pendule qui frappait 4 fois et elle dit « Voici 2 heures que François est mort, car c'est bien lui qui est mort. » Elle ne doutait point que le duel n'eût fini de la sorte. Vorsky n'aurait jamais permis que François fût vainqueur et que son fils à lui succombât. Et ainsi c'était contre son pauvre enfant qu'elle avait fait des vœux et pour le monstre qu'elle avait prié. « François est mort, » répéta-t-elle. « Vorsky l'a tué. » À ce moment, la porte fut poussée et la voix de Vorsky résonna. Il entra, la marche mal assurée. « 1000 excuses, chère madame, mais je crois que Vorsky s'est endormi. La faute à votre papa, Véronique. Il cachait dans sa cave un sacré vin de Saumur que Conrad et Otto ont découvert et qui m'a quelque peu éméché. Mais ne pleurez pas, on va rattraper le temps perdu. D'ailleurs, il faut qu'à minuit tout soit réglé, alors... » Il s'était approché et il se récria. « Comment ? Ce coquin de Vorsky vous avait laissé attacher. Quelle brute que ce Vorsky ! Et comme vous devez être mal à l'aise, sacré Dieu, ce que vous êtes pâle ! Et dis donc, vous n'êtes pas morte. Ce ne serait pas une blague à nous faire. » Il saisit la main de Véronique, qui se dégagea vivement. « À la bonne heure ! On le déteste toujours, son petit Vorsky. Alors tout va bien, et il y a de la ressource. Vous irez jusqu'au bout, Véronique. » Il prêta l'oreille. « Quoi ? Qu'est-ce qui m'appelle ? C'est toi, Otto ? Monte donc ! Et alors, Otto, qu'est-ce qu'il y a de neuf ? J'ai dormi, tu sais. ce sacré petit vin de Saumur. » Otto, l'un des deux complices, entra en courant. C'était celui dont le ventre bombait si étrangement. « Ce qu'il y a de neuf ? » s'exclama-t-il. « Voici, j'ai vu quelqu'un dans l'île. » Vorski se mit à rire. « Tu es gris, Otto. Ce sacré petit vin de Saumur. Je ne suis pas gris, j'ai vu, et Conrad a vu également. « Oh oh !» fit Vorski plus sérieux. « Si Conrad était avec toi, et qu'est-ce que vous avez vu ?»« Une silhouette blanche qui s'est dissimulée à notre approche. Où était-ce ? Entre le village et les landes, dans un petit bois de châtaigniers. Donc, de l'autre côté de l'île ? Oui. » « Parfait. Nous allons prendre nos précautions. Comment ? Ils sont peut-être plusieurs. Il serait 10 que ça n'y changerait rien. Où est Conrad ? Près de la passerelle, que nous avons établie à la place du pont brûlé. Il surveille de là. Conrad est un malin. L'incendie du pont nous avait retenus de l'autre côté. L'incendie de la passerelle produira le même obstacle. Véronique, je crois bien qu'on vient à ton secours. Le miracle attendu, l'intervention espérée. Trop tard, belle chérie. » Il détacha les liens qu'il a fixés au balcon, la porta sur le canapé et desserra un peu le bâillon. « Dors, ma fille, repose-toi le plus que tu peux. Tu n'es encore qu'à moitié route du Golgotha, et la fin de la montée sera rude. » Il s'éloigna en plaisantant, et Véronique entendit quelques phrases échangées par les deux hommes qui lui montrèrent qu'Otto et Conrad n'étaient que des comparses ignorants de l'affaire. « Qui est donc cette malheureuse que vous persécutez ?» demanda Otto. « Ça ne te regarde pas. » « Cependant, Conrad et moi, nous voudrions bien être un peu renseignés. »« Pourquoi, mon Dieu ?»« Pour savoir. »« Conrad et toi, vous êtes deux idiots, » répondit Vorski. « Quand je vous ai pris à mon service et que je vous ai fait évader avec moi, je vous ai dit de mes projets tout ce que je pouvais vous en dire. Vous avez accepté mes conditions. Tant pis pour vous. Il faut aller jusqu'au bout avec moi. Sinon... » Sinon, gare aux conséquences. Je n'aime pas les lâcheurs. » D'autres heures s'écoulèrent. Plus rien maintenant, semblait-il à Véronique, ne pouvait la soustraire au dénouement qu'elle appelait de tous ses voeux. Elle ne souhaitait pas que se produisît l'intervention dont avait parlé Otto. En réalité, elle n'y songeait même point. Son fils était mort, et elle n'avait pas d'autre désir que de le rejoindre sans retard, fût-ce au prix du supplice le plus terrible. Que lui importait d'ailleurs ce supplice ? Il y a des limites aux forces de ceux que l'on torture, et ces limites, elle était si près de les atteindre que son agonie ne serait pas longue. Elle se mit à prier. Une fois de plus, le souvenir de son passé s'imposait à son esprit, et la faute commise lui apparaissait comme la cause de tous les malheurs accumulés sur elle. Et ainsi, tout en priant, épuisée, harassée, dans un état de dépression nerveuse qui la rendait indifférente à tout, elle s'abandonna au sommeil. Le retour de Vorski ne la réveilla même pas. Il dut la secouer. « L'heure est proche, ma petite. Fais ta prière. » Il parlait bas pour que ses acolytes ne pussent l'entendre, et à l'oreille, il lui raconta des choses d'autrefois, des choses insignifiantes, qu'il débitait d'une voix pâteuse. Enfin, il s'écria. « Il fait encore trop jour. Otto, va donc fouiller le placard aux provisions. J'ai faim. » Ils se mirent à table, mais aussitôt Vorski se releva. « Ne me regarde pas, ma petite. Tes yeux me gênent. Que veux-tu ? On a une conscience qui n'est pas bien chatouilleuse quand on est seul, mais qui s'agite quand un beau regard comme le tien pénètre jusqu'au fond de vous. Baisse tes paupières, ma jolie. » Il posa sur les yeux de Véronique un mouchoir qu'il noua derrière la tête. Mais cela ne suffisait pas, et il enveloppa toute la tête d'un rideau de tulle qu'il décrocha de la fenêtre et qu'il passa autour du cou. Puis il se rassit pour boire et pour manger. Ils causèrent à peine tous les trois, et ne dirent pas un mot de leur expédition dans l'île, et non plus du duel de l'après-midi. D'ailleurs, c'étaient là des détails qui n'avaient pas d'intérêt pour Véronique, et qui, au cas même où elle y eût prêté attention, n'auraient pu l'émouvoir. Tout lui devenait étranger. Les mots parvenaient à son oreille, mais ne prenaient aucune signification exacte. Elle ne pensait plus qu'à mourir. Quand la nuit fut venue, Vorski donna le signal du départ. « Vous êtes donc toujours résolu ?» demanda Otto, d'une voix où il y avait quelque hostilité. « Plus que jamais, pourquoi cette question ?»« Pour rien, mais tout de même, eh bien autant le dire, c'est une besogne qui ne nous plaît qu'à moitié. »« Pas possible. Et tu t'en aperçois maintenant, mon bonhomme, après avoir suspendu en rigolant les sœurs Archinia. J'étais ivre ce jour-là. Vous nous aviez fait boire. Eh bien, saoule-toi, mon vieux. Tiens, voilà le flacon de cognac. Remplis ta gourde et fiche-nous la paix. Conrad, tu as préparé le brancard ? Il se retourna vers sa victime. Une attention pour toi, ma chérie. Deux vieilles échasses de ton gosse, que l'on a réunies par des sangles, pratiques et confortables. Vers 8h30, le cortège sinistre se mettait en marche. Borski prenait la tête, une lanterne à la main. Les complices portaient la civière. Les nuages, qui menaçaient dans l'après-midi, s'étaient accumulés et roulaient au-dessus de l'île, lourds et noirs. Rapidement, les ténèbres descendaient. Il soufflait un vent d'orage qui faisait danser la bougie de la lanterne. « Brouh !» murmura Borski. « C'est lugubre. Une vraie soirée de Golgotha. » Il fit un écart et grogna en apercevant une petite masse noire qui déboulait à ses côtés. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde donc, on dirait un chien. »« C'est le cabot de l'enfant, » déclara Otto. « Ah oui, le fameux tout va bien. Il tombe à pic, l'animal. »« Tout va rudement bien, en effet. Attends un peu, sale bête. » Il lui lança un coup de pied. Tout va bien l'esquiva, et hors de portée, continua à accompagner le cortège en jetant à plusieurs reprises des aboiements sourds. La montée était rude, et à tout moment l'un des trois hommes, quittant l'allée invisible qui contournait la pelouse devant la façade principale et qui menait au rond-point du dolmen aux fées, s'embarrassait dans les ronces et dans les branches de lierre. « Halte !» commanda Borski. « Soufflez un peu, mes gaillards. Otto, passe-moi la gourde. J'ai le cœur qui chavire. » Il but à longs traits. « À ton tour, Otto. »« Comment ? Tu refuses ? Qu'y a-t-il donc ?»« Je pense qu'il y a des gens dans l'île qui sûrement nous cherchent. »« Qu'ils continuent donc à nous chercher. » »« Et s'ils viennent en bateau ? Et qu'ils montent ce sentier de la falaise par où la femme et l'enfant voulaient s'enfuir ce matin et que nous avons trouvé ?»« Nous avons à craindre une attaque par terre et non par mer. Or, la passerelle est brûlée. Plus de communication. » À moins qu'ils ne découvrent l'entrée des cellules aux landes noires et qu'ils suivent le tunnel jusqu'ici. L'ont-ils découverte, cette entrée ? Je n'en sais rien. Eh bien, en admettant qu'ils la découvrent, n'avons-nous pas, depuis tantôt, bouché l'issue de ce côté, démoli l'escalier, mis tout sens dessus-dessous ? Pour déboucher, il leur faudrait bien une bonne demi-journée. Or, à minuit, tout sera fini, et au petit jour, nous serons loin de Sarek. Ce sera fini, ce sera fini. C'est-à-dire que nous aurons un crime de plus sur la conscience. Mais... Mais quoi ? Le trésor ? Ah ! Le trésor ! Voilà le grand mot lâché, le trésor. C'est ça qui te taquine, n'est-ce pas, brigand ? Eh bien, rassure-toi, c'est comme si tu avais dans ta poche la part qui te revient. Vous en êtes sûr ? Si j'en suis sûr ! Crois-tu donc que c'est de gaieté de cœur que je reste ici et que j'accomplis toute cette sale besogne ? Ils se remirent en marche. Au bout d'un quart d'heure, quelques gouttes de pluie tombaient. Il y eut un coup de tonnerre. L'orage semblait encore lointain. Ils achevèrent difficilement l'âpre montée, et Borski dut aider ses compagnons. « Enfin, » dit-il, « nous y sommes. Otto, passe-moi la gourde. »« Bien, merci. » Ils avaient déposé leur victime au pied du chêne, dont les branches inférieures étaient coupées. Un jet de lumière éclaira l'inscription « V'H ». Borski ramassa une corde, à portée d'avance, et dressa une échelle contre l'arbre. « Nous allons procéder comme pour les sœurs Archinia, » dit-il. « Je vais enrouler la corde autour de la branche maîtresse que nous avons laissée. Ça nous servira de poulie. » Il s'interrompit et fit un saut de côté. Quelque chose d'anormal venait de se produire. Il murmura. « Quoi ? Qu'y a-t-il ? Vous avez entendu ce sifflement ?»« Oui, » fit Conrad. « Ça m'a frôlé l'oreille. On croirait un projectile. » « Tu es fou !»« Moi aussi, » dit Otto, « j'ai entendu. Ça m'a tout l'air d'avoir frappé l'arbre. »« Quel arbre ?»« Le chêne, parbleu, c'est comme si on avait tiré sur nous. » Il n'y a pas eu de détonation. « Alors une pierre. Une pierre qui aurait atteint le chêne. » « Facile à vérifier, » fit Borski. Il tourna sa lanterne et tout de suite lâcha un juron. « Sacré Dieu, regardez là, sous l'inscription !» Ils regardèrent. À l'endroit qu'il indiquait, une flèche était fichée dont les plumes vibraient encore. « Une flèche ?» articula Conrad. « Est-ce possible, une flèche ?» Et Otto bredouilla. « Nous sommes perdus. C'est bien nous qu'on a visé. »« Celui qui nous a visé n'est pas loin, » observa Borski. Ouvrez l'œil, on va chercher. » Il projeta circulairement un jet de lumière dans les ténèbres environnantes. « Arrêtez !» dit vivement Conrad. « Un peu plus à droite, vous voyez ?»« Oui, oui, je vois. » À 40 pas d'eux, au-delà du chêne tronqué par la foudre et dans la direction du calvaire fleuri, on apercevait quelque chose de blanc, une silhouette, qui tâchait, du moins pouvait-on le croire, de se dissimuler derrière un groupe d'arbustes. « Pas un mot, pas un geste !» ordonna Borski. « Rien qui puisse lui faire supposer que nous l'avons découvert. Conrad, tu vas m'accompagner. Toi, Otto, reste ici. Revolver au poing, fais bonne garde. Si on tente d'approcher et de délivrer la dame, deux coups de feu et nous rappliquons au galop, c'est compris ?»« Compris. » Il se pencha sur Véronique et défit un peu le voile. Les yeux et la bouche étaient toujours cachés sous leur bandeau. Elle respirait mal, le pouls était faible et lent. « Nous avons le temps, » murmura-t-il. « Mais il faut se hâter si on veut qu'elle meure selon ce qui a été résolu. En tout cas, elle ne semble pas souffrir. Elle n'a plus conscience de rien. » Borski déposa sa lanterne, puis doucement, suivi de son acolyte, et tous deux choisissant les endroits où l'ombre était le plus dense, il se glissa vers la silhouette blanche. Mais il ne tarda pas à se rendre compte, d'une part, que cette silhouette qui paraissait immobile se déplaçait en même temps que lui, de sorte que l'intervalle restait le même entre eux et d'autre part, qu'elle était escortée d'une petite silhouette noire qui gambadait à ses côtés. « C'est ce sale cabot !» grogna Borski. Il activa l'allure, la distance ne diminua pas. Il courut, la silhouette courut également. Et le plus étrange, c'est qu'on n'entendait aucun bruit de feuilles remuées ou de sol foulé par la course de ce mystérieux personnage. « Sacré Dieu !» jura Borski. « Il se moque de nous !»« Si on tirait dessus, Conrad !» Trop loin, les balles ne l'atteindraient pas. Cependant quoi, nous n'allons pourtant pas... L'inconnu les conduisit vers la pointe de l'île, puis descendit jusqu'à l'issue du tunnel, passa près du prieuré, longea la falaise occidentale et atteignit la passerelle dont quelques planches fumaient encore. Puis il bifurqua, repassa de l'autre côté de la maison et monta la pelouse. De temps à autre, le chien aboyait joyeusement. Borski ne dérageait pas. Quels que fussent ses efforts, il ne gagnait pas un pouce de terrain, et la poursuite durait depuis un quart d'heure. Il finit par invectiver l'ennemi. « Arrête donc si tu n'es pas un lâche. Qu'est-ce que tu veux? Nous attirer dans un piège? Pourquoi faire? Est-ce la dame que tu veux sauver? Dans l'état où elle est, ça ne vaut pas la peine. Ah, bougre de coquin, si je pouvais te tenir !» Soudain, Conrad le saisit par un pan de son vêtement. « Qu'y a-t-il, Conrad ?» « Regardez, on dirait qu'il ne bouge plus. » De fait, pour la première fois, la silhouette blanche se distinguait de plus en plus précise dans les ténèbres et l'on pouvait apercevoir entre les feuilles d'un taillis l'attitude qu'elle gardait à la minute actuelle, les bras un peu ouverts, le dos voûté, les jambes ployées et comme croisées sur le sol. « Il a dû tomber, » déclara Conrad. Borski, s'étant avancé, cria « Dois-je tirer, canaille ?» « Je te tiens au bout de mon canon. Lève les bras ou je fais feu. » Aucun mouvement. « Tant pis pour toi. Si tu fais la mauvaise tête, tu y passes. Je compte trois fois et je tire. » Il marcha jusqu'à 20 mètres de la silhouette et compta, le bras tendu. « Une, deux... Tu es prêt, Conrad ? Tirons, vas-y !» Les deux balles partirent. Là-bas, il eut un cri de détresse. La silhouette parut s'affaisser. Les deux hommes bondirent en avant. « Ah, tu y es. Coquin, tu vas voir un peu de quel bois se chauffe Borski. Ah, chenapan, tu m'as assez fait courir. Ton compte est bon. » À quelques pas, il ralentit par crainte d'une surprise. L'inconnu ne bougeait pas, et Borski put constater de plus près qu'il avait l'apparence inerte et déformée d'un homme mort, d'un cadavre. Il n'y avait donc plus qu'à sauter sur lui. C'est ce que fit Borski en plaisantant. « Bonne chasse, Conrad. Ramassons le gibier. » Mais il fut très étonné, en ramassant le gibier, de ne saisir entre les mains qu'une proie en quelque sorte impalpable, et qui se composait somme toute d'une simple tunique en dessous de laquelle il n'y avait plus personne, le possesseur de cette tunique ayant pris la fuite à temps, après l'avoir accroché aux épines d'un fourré. Quant au chien, il avait disparu. « Sacré Dieu de sacré Dieu !» proféra Borski. « Il nous a roulé, le brigand !» Mais que diable, pourquoi ? Exhalant sa fureur de la manière stupide qui lui était familière, il piétinait l'étoffe, quand une pensée le heurta. « Pourquoi ? Mais, sacré Dieu, je le disais tout à l'heure, un piège, un truc pour nous éloigner de la dame pendant que les amis à lui attaquent Otto. Ah, quel idiot je fais !» Il se remit en route à travers l'obscurité, et dès qu'il put discerner le dolmen, il appela « Otto ! Otto !»« Halt ! Qui est là ?» répondit Otto d'une voix effrayée. « C'est moi, cré Dieu, ne tire pas !»« Qui est là, vous ?»« Eh oui, moi, imbécile ! Mais les deux coups de feu ?»« Une erreur, on te racontera !» Il était arrivé près du chêne, et tout de suite, saisissant la lanterne, il en projeta la lueur sur sa victime. Elle n'avait pas bougé, étendue contre le pied de l'arbre et la tête enveloppée de son voile. « Ah ! Fit-il, je respire. Crie Dieu que j'ai eu peur. »« Peur de quoi ?»« Qu'on nous l'enlève, parbleu. »« Eh bien, et moi, je n'étais pas là ?»« Toi, toi, tu n'es pas plus brave qu'un autre, et si l'on t'avait attaqué ?»« J'aurais toujours tiré. Vous auriez entendu le signal. »« Est-ce qu'on sait ? Enfin, il ne s'est rien passé ? Rien du tout. » La dame ne s'est pas trop agitée. Au début, oui. Elle se plaignait en gémissant sous son capuchon, tellement que j'en étais à bout de patience. Mais après ? Oh, après, ça n'a guère duré. D'un bon coup de poing, je l'étourdis. À la brute ! S'écria Vorski. Si tu l'as tué, tu es un homme mort. Vivement, il s'accroupit, colla son oreille contre la poitrine de la malheureuse. Non, dit-il au bout d'un instant, le cœur bat encore. Mais ça ne durera peut-être pas longtemps. À l'œuvre, camarade. Dans 10 minutes, il faut que tout soit fini.